Chapitre 35e. Le lendemain, Raïssa envoya la lettre de Valérien à Madame Arsoff avec ce simple mot « Merci ». Hélène, par un scrupule de délicatesse, renvoya la lettre de son frère après l'avoir lue et écrivit au bas « Je suis bien contente ». Ces quatre mots firent un bien immense à Raïssa. Ils lui exprimèrent le cas que sa belle-sœur faisait d'elle plus éloquemment que n'eût pu le faire une longue épître. Elle se demandait s'il ne devait pas aller voir son neveu lorsqu'elle reçut la visite de Madame Persianoff. Celle-ci était la bonne langue du canton. Les grands froids et le dégel l'avaient empêchée de venir voir la jeune comtesse. Mais le beau temps revenu ne pouvait manquer de la ramener aussi régulièrement que les quartiers de la lune. Après quelques phrases et une tasse de thé, la visiteuse aborda le sujet de sa démarche. « À propos, voilà votre belle-sœur dans de bien mauvais draps. « Quoi donc ? Comment ? Vous ne savez pas ? Mais vous êtes unique. Demeurez à portée de la voix et ne rien savoir. Le petit Sacha a failli mourir. »« Je sais cela. D'indigestion. »« Pas du tout, il a été empoisonné. »« Hein ?» fit Raïssa avec prudence. « Oui, empoisonné, avec des champignons probablement, ou quelque autre substance qu'on peut mettre dans les aliments pour faire croire à une indigestion. »« On dit cela ? » fit évasivement Raïssa. « C'est très malheureux pour Madame Arsoff, » continua la visiteuse. « Il n'y a plus moyen de la voir. »« Parce que son enfant a été empoisonné ?» dit tranquillement la maîtresse du logis. « Parce qu'après son mari, son fils la ferait trop de mort subite, » répondit Madame Persianoff d'un air mystérieux. « Alors, » continua Raïssa, « c'est l'opinion de la province que Madame Arsoff a préalablement empoisonné son mari, puisqu'elle a essayé sur son fils. » La visiteuse hocha affirmativement sa tête empanachée de rubans. Expliquez-moi alors par quelle méprise elle a manqué son coup la seconde fois après l'avoir réussi la première. Un peu surprise de cette manière tranquille d'énoncer à haute voix des choses si dangereuses et qu'on ne doit se dire qu'à l'oreille, Madame Persianoff balbutia. Je ne sais pas. Et pourriez-vous me dire comment il se fait que l'enfant ne soit pas mort? La force de sa constitution, peut-être. Fit la dame en hésitant. « Ce que vous ne savez pas, chère madame, » continua Raïssa en souriant, « c'est qu'au premier symptôme d'indisposition, ma belle-sœur m'a envoyé chercher. Elle sait que je tiens de feu mon père quelques connaissances en médecine, qui en effet ne m'ont pas été inutiles dans le cas dont il s'agit. « Alors ?» fit madame Persianoff interdite. « Vous étiez présente ?»« C'est moi qui ai arrêté l'indigestion de mon neveu avec quelques calmants. » Et la preuve, c'est que mon mari a bien voulu m'en remercier beaucoup plus qu'il n'était nécessaire pour si peu de choses. « Ah, il vous a écrit ?» fit la comtesse, quittant la piste de son premier lièvre pour suivre celle d'un second. « Sa lettre m'est arrivée hier soir, » répondit Raïssa en indiquant l'enveloppe restée sur le bureau. La dame regarda l'enveloppe. Le nom de Raïssa était bien dessus. Celle-ci lui fit le plaisir de sortir pour un instant afin de donner des ordres. Madame Persianoff sauta d'un bond sur cette enveloppe qui promettait tant de choses. Malheureusement, elle était vide, mais le cachet armorié de Gretzky était un témoignage éclatant de la véracité de Raïssa. La visite fut courte, et il fallait bien se dépêcher d'apprendre à autrui les deux nouvelles étonnantes qu'elle avait récoltées. « Alors, » dit-elle à Raïssa au moment de la quitter, « vous êtes certaine que Madame Arsoff ?»« Je suis certaine d'une chose, indépendamment de toute considération morale, » repartit la jeune femme, c'est que lorsqu'on a assez d'esprit pour empoisonner quelqu'un, on n'est pas assez bête pour aller demander des secours à la porte d'en face. La prudence élémentaire ordonnerait d'envoyer chercher un médecin à la ville. Pendant le temps d'aller et de revenir, le malade mourrait 10 fois. « c'est juste, » murmura Madame Persianoff. « Il n'y a rien à répondre à cela. » Elle remonta dans sa voiture, si bouleversée qu'il se passa plus d'un quart d'heure avant qu'elle eût la présence d'esprit de se demander « Mais alors ?» Qu'est-ce qui a bien pu l'empoisonner? Car une indigestion, ce serait trop simple.